Le premier samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC On Air pour le LJC Show. Salut à tous et bienvenue sur LJC On Air, il est 20h, moi c'est Miguel et je vous accompagne pendant plus d'une heure. Je suis avec les meilleurs, ils sont tous là, il y a Hicham, Émilie, Justine, Léa, Francisco, Tom, Sabri, Sofiane et Julien. On aura plein de chroniques qui ont été préparées pour vous, chers auditeurs de LJC On Air. Mais on aura aussi de la bonne musique parce que sur LJC On Air, on ne diffuse que de la bonne musique. On écoutera le tube de Martin Garrix, le jeune DJ qui est connu depuis 2013 et qui enchaîne les tubes. On aura aussi Lampal, qui a sorti son album l'année dernière et qui à l'heure actuelle s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires. Mais avant d'écouter tout ça, on va commencer avec une chronique qui risque de plaire à beaucoup d'entre vous. On va parler jeux vidéo, plus précisément la Nintendo Switch, avec Sabri, yo. Hicham, salut. Sofiane, bonjour. Et Julien. Salut. Et puis moi je vais m'éclipser parce que je ne comprends rien à la nouvelle Switch. Donc voilà, l'antenne est à vous. Grand-père. Alors déjà, nouvelle, t'abuses, hein, ça va quand même faire 11 mois, déjà 900 000 ventes. Ouais, je sais, mais bon... C'est un petit bébé, moi, hein, nouveau, il commence à grandir. Hein. J'y ai jamais joué, donc pour moi c'est nouveau. Ah, t'as jamais joué, c'est dommage, parce que la Nintendo Switch c'est quand même une console qui était importante chez Nintendo, parce que... Après l'échec de la Wii U. Exactement, c'était... C'est vrai. On les attendait au tournant. Eh bien, je pense que c'est le tournant est réussi, parce que la Nintendo Switch a dépassé les 15 millions de ventes, comparé aux 13 millions de la Wii U. Oh putain. En seulement 11 mois, voilà. Pas mal quand même, non? Bah, c'est plutôt impressionnant, hein. Bah, surtout oui, que Nintendo était au bord de la faillite avec sa Nintendo la Wii U. Ouais, doucement, Nintendo doucement. Mais c'est vrai que moi j'avais la Wii, mais la Wii U, c'était rare d'en entendre parler. La Wii U, c'était un gros bide, hein. Moi personnellement, je dis ça, hein, mais je vais peut-être m'attirer les feux des auditeurs, mais moi j'ai plutôt apprécié la Wii U, hein. Il y avait plutôt de bons titres. Hein. Je crois que j'y ai joué deux ou trois fois. Mais Super Mario U, je crois que c'était quelque chose comme ça. Il était très bon. Mais en tout cas, oui, mais les ventes, c'était un gros bide. Oui, voilà, ça c'est... C'est pour ça qu'ils ont vraiment pas beaucoup vendu. Hein. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné avec cette console. C'est qu'elle a commencé en lancement avec un jeu plutôt impressionnant, Zombie U. Un jeu qui était réservé à la Wii U et qui était plutôt bon, hein, qui utilisait bien le gameplay du pad, etc. Mais il a fallu attendre un an et demi pour qu'il perde cette exclusivité. Quoi, ouais, et je pense que les gens n'étaient pas prêts à ce nouveau style de console et que là, avec la Nintendo Switch, bah, c'était, je sais pas, c'est la découverte d'un nouveau truc. Ah, ils n'étaient pas prêts, mais aussi, ils n'étaient pas prêts dans le sens où ils s'y attendaient pas, ils voulaient plus. Parce que du coup, on arrivait à une époque où les consoles sont toutes en Ultra HD minimum, au moins 2048 pixels de largeur et 1994 de longueur, il me semble. Et du coup, on nous propose une console qui s'arrête à un port HDMI standard, c'est-à-dire à une résolution de 1080p. Autrement dit, en termes de graphisme, qui est quelque chose d'assez important aujourd'hui dans le jeu vidéo. Ouais. On n'était pas en retard, mais on était vraiment... Limite, alors que t'as la PS4 qui arrivait juste après et qui nous présentait du lourd, quoi. Ouais, c'est vrai que, bon, quand t'as la PS4 en face, tu fais pas le malin. Ouais, mais on peut aussi dire que, comme c'est une console Nintendo, ses graphismes étaient largement suffisants pour les jeux Nintendo. Ouais. Parce qu'ils demandent pas vraiment des graphismes surréalistes ou quoi que ce soit. Tu prends un Mario, il peut être magnifique sans être non plus... Mais justement, c'est pas ça le problème, les jeux Nintendo? Je trouve qu'ils sont vraiment pas assez ou diversifiés. C'est souvent la même chose, je trouve. Mario. Mais dernièrement, voilà, par exemple, pour en revenir à la Switch, Zelda Breath of the Wild, c'est un tout nouveau style de jeu, surtout pour les Zelda. Et ouais, c'est vrai. On a un gros problème en termes de renouvellement chez Nintendo. Il y a seulement des reprises, des refaçonnages de jeux qui existent déjà. Et par contre, on peut souligner quand même que la Wii U a porté un nouveau jeu, Splatoon, une nouvelle licence qui a très bien fonctionné. Qui marche bien sur la Nintendo Switch, je crois. Ouais. Splatoon, si tu veux, c'est un genre de FPS, donc c'est un jeu de tir où le but, au lieu de tuer des gens, ça va être de remplir une zone géographique avec une couleur de peinture bien particulière. Ah si, je connais... Je connaissais pas par le nom, mais là, tu m'en parles, oui, je vois ce que c'est. Ouais, avec des calmars, ouais. Nintendo, ils sont très forts pour prendre des risques et nous sortir des choses improbables. Hein, parce que... Vraiment, encore une fois, je vais peut-être passer pour un fanboy, hein, mais encore une fois, pour passer à Breath of the Wild, c'est vraiment pas du tout ce qu'on attendrait de la franchise The Legend of Zelda. Sûrement le meilleur Zelda en plus. C'était, Zelda avant, c'était vachement linéaire. Tu enchaînais les donjons, t'allais battre Ganon et t'avais gagné, quoi. T'avais fini, t'avais ta Master Sword, voilà, t'étais bien. Maintenant, tu peux aller battre Ganon avec un bout de bois. C'est-à-dire que, franchement, mais hormis, ça a évolué, quoi. Voilà, ça a vraiment évolué. Ils ont pris des risques. Ils se sont dit, c'est une de leurs plus grandes licences. Et ils ont osé prendre ce risque. C'est ça qui est important avec Nintendo. Par contre, il y a un petit problème. C'est le prix. Bah, ça reste moins cher qu'une Xbox ou une PlayStation. Franchement, pour une console qui fait... 300 euros, je crois. Ouais, qui fait... 300 packs de base, ouais. Ouais. Qui fait, bah, ça reste rien. Faut pas oublier que c'est une console qui fait à la fois portable et à la fois console de salon. Donc, ouais, c'est vrai. Bon, après, le prix, c'est compréhensible si on n'a pas toutes les qualités d'une Xbox ou d'une oui. PS4. Hein. Oui, oui, oui. Un instant. Portable ? Parce que du coup, moi, je sais que si je déplace plus de 10 mètres mon gamepad, ça marche plus. Voilà, c'est vrai. Que... Ouais. Portable. Moi, je te parle de la Nintendo Switch. Pas de la Wii U. Ah. Ok. Ah bah Hicham, bah voilà. Là, je crois que ça prouve qu'on a des chroniqueurs qui sont pas très attentifs. Bah bravo Hicham. Pourtant il avait bien commencé en donnant toute la... Mais c'est ça. Mais c'est ça. Hein. Bon, maintenant, maintenant qu'on a bien, on va dire, mis en valeur la Nintendo Switch, pourquoi on parlerait pas un peu de ses défauts? Ouais. Parce que par exemple, moi j'en possède une et je peux vous dire tout de suite qu'il y a un défaut qui m'a vraiment rendu fou dernièrement, c'est les Joy-Con. Le problème avec ces Joy-Con, c'est quand tu passes en version portable, il y a beaucoup de risques que les clips, en fait, qui tiennent les manettes et qu'elles tombent sur l'écran, exactement, ils sont fragiles, mais genre, c'est pas vraiment ça, genre, c'est toujours. Voilà, c'est ça. C'est là, ça tient, mais si tu forces un peu trop, ça part et ça y est, c'est fini. Moi, il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est l'écran qu'ils ont fourni avec. Je trouve que c'est vraiment pas super. Bon, ça reste après acceptable, hein, bien sûr, mais. Je trouve que c'est vraiment limite, quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi? Oui, mais en même temps, il faut dire qu'ils ont quand même poussé sur la partie portable. Ça veut dire, par exemple, si tu veux un écran plus grand, ça aurait été plus compliqué de déplacer la console, etc. Déjà que c'est vachement compliqué de déplacer une Switch, parce que vu comme c'est plat, t'as peur un peu de la péter en deux, quoi. Donc voilà, je pense que après. Et après, vous pensez quoi? Vous pensez que la Nintendo va s'arrêter là ou va continuer en termes de console? Bah déjà, sur la Switch, moi j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du Nintendo Labo? Honnêtement, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est un projet, plus, je sais pas ce que c'est. Alors, qui m'a vachement étonné. Sabri, tu veux l'introduire ou je m'en charge? Oh, bah, je te laisse l'honneur. Alors, qu'est-ce que Nintendo Labo? C'est une des dernières tentatives, initiatives de chez Nintendo par rapport à la Switch. Pour éviter qu'elle ne meure tout de suite, ils ont tenté de faire quelque chose. C'est de utiliser des bouts de carton avec leur jeu. Alors, je m'explique. En gros, c'est transformer sa console avec des morceaux de carton qui seront vendus avec les jeux. En gros, c'est je prends ma Switch, je la mets à l'intérieur, je plie le pack, et ma Switch est devenue un Kirby ou une mitraillette ou n'importe quoi. Un jetpack, un casque VR, avec ça. Ça, en fait, chacun aura sa Nintendo à soi, quoi. Ça sera unique. En partie, mais c'est surtout dans un contexte de gameplay. C'est surtout pour changer la façon laquelle on va aborder le jeu vidéo. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Okay. Ah, ouais, c'est pas mal. Mais ils avaient déjà tenté ça chez Nintendo avec les petits. Les volants. Oui, les volants, par exemple. Pour Mario Kart. Ou alors les guns, par exemple, pour Resident Evil. Les Metroid. Ouais. Les Metroid. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on parle quand même d'accessoires en plastique. On parle quand même de 70 euros le carton, quand même. C'est ça, exactement. C'est un morceau de carton à 70 euros. Exactement. Ouais, donc là oui, en plus de la console, t'achètes les jeux et en plus tu dois acheter des bouts de carton qui coûtent presque plus cher que les jeux. En fait, c'est vendu avec le jeu. Mais il y a un mais, voilà. Bah, le mais finalement, c'est que ce n'est pas un bout de carton qui sera polyvalent, qui saura répondre à tous les jeux vidéo. C'est un morceau de carton pour chaque jeu. La question se pose, où est-ce que je vais stocker ces morceaux de carton? C'est ça, t'imagines, un vrai fan de Nintendo, il doit avoir un gros placard juste avec des cartons. Juste des cartons, voilà, c'est ça. Mais déjà sorti ou pas? Ou c'est juste non, une idée? C'est bientôt. Alors, ça a été annoncé. Je n'ai plus la date en tête, mais oui, ça a été annoncé, ça va bientôt arriver. Mais pour en revenir à ça, faut pas oublier quand même que Nintendo, c'est des consoles familiales quand même. Ce jeu, en fait, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, dire 70 euros le carton, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je rigole, mais. Le problème, c'est que ce jeu, quand on y réfléchit bien, c'est un jeu qui est pour les enfants. Il a été fait pour les enfants. Par exemple, tu vas prendre un adulte de 42 ans, il va plier son carton, voilà. Il va jouer une fois et c'est bon, c'est fini. Alors qu'un enfant, il va. C'est dur quand même là. Un enfant. Est-ce que toi, t'as un avis sur la Nintendo Switch, Francisco? Alors je sais même pas ce que c'est en fait. Ah tu sais pas ce que c'est que la Nintendo Switch? C'est le machin de tablette, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est ça. Ah c'est un très beau résumé de la Switch. Merci, le machin de tablette. Ça, ouais. Bah, on c'est finit ça. Sur ça, on finit eh bien, sur, voilà, sur c'est le... Une bonne idée, voilà, bonne idée. On bien. Va finir eh ben, sur merci, ça. Francisco. Merci Francisco. Francisco t'es beau. Tout de suite on va s'écouter le remix de Finesse de Bruno Mars. C'est en duo avec Cardi B. Et c'est tout de suite sur AGC Anna. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. You see me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance, like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay, okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Together. There's a reason why they watch all night long. All night long. Ooh. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show. Samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC On Air pour le LJC Show. De retour sur LJC On Air, on est avec toute la bande, on est là, on est tous là pour vous, pour vous faire marrer. On va se faire un jeu tout à l'heure qui s'appelle les questions à la con, où j'ai posé des questions un peu stupides à mon équipe. Aujourd'hui, c'est Sofiane et Julien qui s'y collent. Aujourd'hui, première émission, première interview, et pour cela au téléphone, on a un invité spécial qui a lui aussi créé une radio, mais pas une toute petite. Nous allons accueillir Michel Decroix, un des fondateurs de Fun Radio. Bonjour Monsieur Decroix, soyez le bienvenu sur AGC en air. Quand est-ce que vous avez commencé la radio? La radio, je l'ai commencé en 1980. J'étais tout jeune, hein, j'avais 14 ans. Et c'était sur des radios pirates. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'autorisation d'émettre, puisque les radios libres, ce qu'on appelait les radios libres, ont été légalisées en 1981, après l'élection de François Mitterrand, qui dans sa campagne avait dit que s'il était élu, il égaliserait les radios pirates de la bande FM. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de radios FM pirates, c'est-à-dire que les gens allaient chercher des émetteurs en Italie et ils commençaient à émettre, voilà, à occuper la fréquence, la bande FM, pour faire des radios soit associatives, soit des radios pour passer de la musique ou pour parler ou faire ce genre de choses. Et pouvez-vous m'expliquer comment est né Fun Radio ? Ah ben, Fun Radio, moi j'ai été appelé parce que je travaillais ici dans le Nord sur des radios locales, sur une radio locale qui s'appelait Canal Sambre et que j'avais créé. Et donc j'animais une émission de radio qui était très très bien écoutée à l'époque. Et donc il y a Bernard Dobel qui était le directeur commercial de Énergie à Montpellier, qui était originaire du nord de la France et qui a entendu parler de moi. Donc il m'a téléphoné et il m'a dit voilà, j'ai un poste pour toi. Ce serait pour bosser sur un projet. Actuellement, je suis chez Énergie, mais j'ai quelque chose à te proposer, mais il faut que tu viennes à Montpellier. Donc de là, je suis parti à Montpellier, donc en 85, au début d'année 85. J'arrive dans le coin. Au début d'année 85, et puis donc quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai rencontré donc les franchisés, puisque c'était les franchisés Énergie à l'époque. D'accord. Donc c'était Latès, Péchadre et Blanchemain qui avaient donc les franchises Énergie sur Montpellier et sept autres villes en France. Et de là, eux, ils ont dit, nous, on en a ras-le-bol de payer pour une franchise, on voudrait créer notre propre produit radio. Et de là, ils nous ont demandé à créer un produit radio. Donc, on a créé Fun Radio. Voilà, tout en étant, tout en continuant à exploiter la marque Énergie. Donc, on a travaillé pendant 6 mois sur le projet Fun Radio. Et en octobre 85, on a basculé toutes les stations Énergie en produit Fun Radio. Et vous y êtes resté combien de temps à Fun Radio ? Combien de temps j'y ai travaillé ? J'y suis resté, donc on a monté Fun à Montpellier. De là, ensuite, on m'a nommé ASAP comme directeur de station de radio. J'ai monté Fun ASAP. Et de là, ensuite, on m'a demandé de reprendre le réseau Radio Beffroi dans l'Aveyron. Donc, je suis parti dans l'Aveyron. J'ai démarré l'Aveyron le 1er janvier 90. Et je suis parti en 92. Fin 92, je suis parti. Puisqu'il y a eu ce qu'on appelle la nuit bleue. Donc la nuit bleue, si tu veux, c'est le CSA ou la Haute Autorité à l'époque qui redistribuait l'espace FM, c'est-à-dire qui allouait les fréquences de radio. Par exemple, une radio émettait sur le 91.9 et elle devait re-remplir un dossier vis-à-vis de la Haute Autorité ou du CSA. Et ensuite, la commission se réunit et dit, voilà, bon, maintenant vous n'émettrez plus sur le 91.9, vous émettrez sur le 100.7, admettons. Mais vous n'avez plus le droit à la publicité locale ni à l'exploitation locale de la radio. Voilà, ce sera 100% satellite. C'est-à-dire que c'est les programmes parisiens que tu réceptionnes par satellite et que tu envoies directement sur un émetteur radio. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour une décision X ou Y, la commission a supprimé toutes les fréquences qu'on exploitait localement sur l'Aveyron. Et donc, moi, j'avais 24 salariés à l'époque, et donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Donc, si tu veux, c'est parce qu'il y avait le CSA, les membres du CSA ou de la Haute Autorité étaient nommés à l'époque par le président de la République. Et donc, il y avait M. Jospin qui voulait absolument la présidence de la région. Et Fun Radio avait fusionné entre-temps avec le réseau Chic FM qui appartenait au groupe Hersan. Donc le groupe Hersan, c'est un groupe de droite. Et M. Jospin était du Parti Socialiste. Donc ce qu'on nous a dit, c'est qu'on représentait un groupe de presse trop important sur le département de l'Aveyron, puisqu'on avait Centre Presse, Midi Libre, Fun Radio et tous les gratuits. Donc on nous a supprimé les fréquences. Enfin, on a gardé les fréquences, mais on nous a interdit l'exploitation locale des fréquences. C'est-à-dire que c'était 100% programme parisien. Voilà. Alors que sur Fun Radio, on n'a jamais fait de politique. Mais bon, c'était le choix. Donc, de là, moi, je me retrouvais au chômage, mais j'y suis pas resté longtemps, j'y suis même pas resté du tout, puisqu'il y a Dominique Vautrin, qui avait le réseau Skyrock sur le Nord, qui, lui, en parallèle, avait obtenu une fréquence à Boulogne-sur-Mer. Et de là, on m'a demandé de lancer Skyrock à Boulogne-sur-Mer. Donc, j'ai lancé Skyrock à Boulogne-sur-Mer, mais en parallèle, on m'a demandé, puisque c'était un accord avec Fun Radio aussi, puisque je partais de Fun Radio pour aller travailler chez Skyrock sans quitter Fun Radio. C'était un petit peu compliqué, puisqu'en parallèle, je devais racheter une fréquence à Boulogne-sur-Mer pour exploiter Fun Radio, puisque Fun Radio n'avait pas de fréquence à Boulogne-sur-Mer. Donc, on a racheté RBL avec Fun Radio. Et j'ai arrêté de travailler chez Fun en 96. Quand vous avez créé Fun Radio, est-ce que vous attendiez à ce qu'elle prenne une ampleur comme ça, qu'elle devienne la deuxième radio musicale de France ? Disons qu'on a créé d'abord un produit, c'est-à-dire le produit Fun Radio, et ensuite donc on n'avait pas de fréquence à Paris, et il nous fallait impérativement une fréquence à Paris, puisque tout passe par Paris. Et donc ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'un jour il y a Blanchemin, Lattès et Péchadre qui ont eu l'opportunité de rencontrer Robert Hersan. Robert Hersan avait un réseau de radio qui s'appelait Chic FM, et le réseau Chic FM avait une fréquence à Paris qui est le 101.9, qui est toujours la fréquence de Fun Radio. Oui. Voilà, c'était Chic FM avant, ça s'appelait Chic FM Paris 101.9, et eux ils avaient le satellite, c'est-à-dire que le groupe Hersan disposait d'un canal satellite. Donc Robert Hersan, qui n'était pas un homme de radio mais un homme de presse, a demandé à Lattès, Péchard et Blanchemin de dire voilà, bah écoutez, moi j'ai le satellite, j'ai un réseau de radio qui s'appelle Chic FM, qui marche pas trop. À la limite, vous mettez Fun dessus et moi je vous donne le satellite et toutes mes radios. Et en contrepartie, je deviens actionnaire chez vous de la régie multiplex. Donc ça s'est fait comme ça. Ils sont tombés d'accord après quelques négociations. Et donc Robert Hersan est devenu actionnaire de Fun Radio. Donc toutes les stations Chic FM sont devenues Fun. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que Fun Radio a pris de l'ampleur. Ben c'est là que d'une trentaine de fréquences en France, on est passé à 120. Ben les audiences de Fun Radio en ce moment sont... Elles sont ce qu'elles sont. Fun Radio a été leader dans certaines villes, mais n'a jamais été leader à l'échelon national. Voilà. La station de radio qui a toujours été leader à l'échelon national en FM, c'est Énergie. Donc, nous, Fun, on a été souvent leader dans des villes comme Rodez, Montpellier, Sète, Cambrai, Lille, Paris, mais on n'a jamais été leader à l'échelon national. Mais au jour d'aujourd'hui, si on analyse bien les sondages de la bande FM, Énergie n'est pas leader non plus. Alors, c'est qui le leader ? Alors, le leader actuellement, ce sont un groupement de radio qu'on appelle les Indés. Fun, maintenant, ça a été racheté par RTL. Voilà, c'est le groupe RTL, maintenant, qui est derrière. Et Énergie, eux, ils sont toujours indépendants, puisque maintenant, ils ont Énergie 12, la télé. Et ils ont 40 web radios également, aussi, en fonction des styles, etc. Mais bon, Fun Radio a été la première radio à s'exporter hors de France. C'est-à-dire qu'on a ouvert à Bucarest, on a ouvert en Pologne. En Pologne, on a dû ouvrir après la chute du mur de Berlin, on a ouvert en Pologne. Voilà, la première station, ça a été... C'était Malopolska Fun. Voilà, c'était en Pologne. Et ensuite, on a ouvert à Cracovie. Je sais qu'il y a Fun Radio en Belgique, voilà, qui propose un programme où ils sont obligés en Belgique de produire 40% de leur programme à eux. C'est-à-dire qu'il y a 60% des programmes qui viennent de Paris et 40% qui produisent en Belgique. Merci Monsieur De Croix, ça nous a fait plaisir de vous accueillir sur l'antenne de LJC On Air. Maintenant, on va s'écouter un des morceaux que je kiffe le plus en ce moment. C'est Martin Garrix et David Guetta, So Far Away, sur LJC On Air. Samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC On Air pour le LJC Show. Aujourd'hui, on va partir en Asie, plus précisément au Japon, qui a su s'imposer grâce à son soft power. Merci Monsieur Castejon, pour ceux qui le connaissent pas, bah c'est mon prof d'histoire. Sans vous, je n'aurais jamais pu faire une intro aussi parfaite, patati patata. Là, je mérite un 20 sur 20, on est un degré de... Ouais, je suis d'accord. Voilà, un degré de, d'intro hommage, voilà. Donc, on accueille tout de suite Hicham et Sabri, les patrons japonais, qui vont nous parler de la culture japonaise. C'est parti. Alors, nous allons commencer en parlant de Devilman Crybaby, le dernier manga en vogue en ce moment. Mais pour commencer, j'aimerais vous définir ce qu'est Devilman. Devilman, on en entend beaucoup parler dans le monde Jap dernièrement, mais il n'est pas tout nouveau. Publié depuis 1972 par Koshanda, il passera dans le Weekly Shonen Jump, magazine nippon traitant du monde des bandes dessinées japonaises nommées manga. Publié en 5 tomes au total, il connaîtra un énorme succès au Japon malgré sa discrétion en France, où il recevra plusieurs éditions. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à sa plus récente édition, Devilman Crybaby. Un original Netflix adapté d'un animé, ça ne peut être qu'un échec. Voilà ce que penseraient la plupart des personnes ayant bien regardé le film du manga éponyme Death Note. Eh bien, à notre grande surprise, Devilman Crybaby est en effet un succès. Une OST surprenante, des graphismes fidèles au manga originel, pouvant nous faire croire au premier abord au plus docile des shonen. Puis, nous surprenant d'images psychédéliques et distordues. Cette adaptation a tout pour plaire, tout ça couplé avec une histoire passionnante et touchante. Nous pouvons vous garantir que même le plus dur d'entre vous lâchera une larme une fois ce chef-d'œuvre terminé. L'histoire de Devilman est plutôt classique en soi. Akira, un lycéen pleurnichard, retrouve son ami d'enfance Ryo, un personnage cruel et sans remords. Ce dernier informe que les démons d'un ancien temps sont revenus pour reprendre la terre, aux humains.

y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que papá. C'était Big Flo et Oli sur LJC en air. De retour pour cette toute première émission. J'espère que vous kiffez, que vous passez un bon moment. Nous, en tout cas, on s'amuse bien, on danse bien quand il y a de la musique. Pour la suite de l'émission, on a encore prévu de la bonne musique. On écoutera celle qui a été élue de la chanson de la Friendzone, une zone que je connais assez bien, on va pas se le cacher. On écoutera Marshmello avec Anne-Marie, Friends. En parlant de Friendzone, est-ce que vous vous êtes déjà fait friendzoner, chers auditeurs? Si oui, dites-le nous avec le hashtag LJCONR. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la friendzone, c'est la zone où on se retrouve quand on est amoureux de quelqu'un mais que le sentiment n'est pas réciproque et que la personne nous considère un peu comme un frère ou une sœur, entre guillemets. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à nous le tweeter avec le hashtag LJCONR, on lit tout et puis voilà. Ça nous fait plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes là. Et maintenant, on va parler de choses insolites. C'est l'heure de la chronique What the Fuck avec Sabri et Francisco. Salut. Salut Miguel, salut Sabri. Salut. Vous allez parler de quoi aujourd'hui? Des défis sur internet. Ah, les petits défis à la con? Ouais, douloureux et drôle quand même des fois. Ouais, des fois c'est, ouais, c'est vrai que des un fois peu. On aime bien regarder les petits défis à la con sur internet. Évitez de le faire surtout. Oui, il y a des défis oui qui peuvent être dangereux pour vous. Donc écoutez-les puis à vous de juger si c'est dangereux ou pas. Vous le faites si vous voulez mais nous on vous le conseille pas en tout cas. Suivez pas ces cons qui font ça voilà. Tout le temps. Ouais, voilà, c'est quand vous voulez. C'est parti. Bref, je commence. On va parler du défi de la cannelle. En gros, il suffit d'avaler une cuillère de cannelle. Et le risque de ne pas s'étouffer, il est hyper petit. Mais en, c'est dégueulasse, avaler c'est de la cannelle. Non, t'arrives pas, tu peux avoir une attaque cardiaque, c'est très douloureux, c'est très dangereux pour ta santé. Ouais, mais c'est surtout que j'ai vu une fois sur YouTube, mais tu en fous partout parce que tu la mets dans la bouche. Et après, genre, t'arrives pas à l'avaler, donc du coup, ça fait un gros nuage de cannelle. Et le mec, il devient marron complètement. Mais il prend sa douche, il est marron. C'est ça. Essayez de pas mourir, quoi. C'est ça. Ouais, essayez voilà, de pas mourir, voilà. Bref, on peut passer au défi de glace-sel. Défi suivant, voilà. Alors, le défi suivant, le défi glace-sel. Alors là, les gars, niveau stupidité, on en aura vu. Hein. Sûrement inspiré du Tech Puff, il suffit de mettre du sel sur la peau, puis de mettre des glaçons dessus. Le problème, c'est que ça peut causer de sérieuses brûlures. Bah ouais, c'est vrai. Et là, c'est pas. À éviter surtout. Prochain. Passons au prochain challenge. Bah voilà. Genre le boiling water challenge, c'est ça? Oui, je crois. On va dire que ouh, ça fait mal. Alors qu'est-ce que c'est? Rien que de l'écrire, ça fait mal, c'est vrai. L'idée est toute simple. Se renverser en seau d'eau bouillante sur le corps et exposer ensuite ses brûlures. Mais voilà, voilà. C'est encore plus con que le défi de la cannelle. On est tous d'accord autour de la table. Là, très très con. Là, on a atteint un degré de connerie. Stupidité 100 000. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui font ça, ils sont surtout bêtes. Et après, t'affiches tes blessures, mais en quoi c'est t'es drôle. Complètement dingue. Quoi. En quoi c'est non, drôle. Mais c'est ça. Chacun ses passions après. Ouais, bon. Ouais, mais bon. Et on peut continuer avec l'eau ou en resto. Avec Sabri. Voilà. Le prochain défi est un peu plus gentil, on peut dire. Ouais, ça va. C'est simple, il suffit de se jeter à l'eau, puis tu nomines un ami, et s'il le fait pas, eh ben, il te doit un resto, tout simplement. Ah bah ça c'est cool. Je dirais pas jeter à l'eau, mais de jeter de l'eau sur toi. Oh bah c'est pas mal. C'est la même chose, hein. De toute façon, non, on pousse tout aux extrêmes ici. J'ai vu une vidéo pendant l'hiver, il y avait des gens qui étaient sur la neige et qui renversent de l'eau froide sur elle. Pour un resto, franchement, je le ferais. Moi, pour un resto, je le ferais. Je le ferais pas. Bah, on m'a jamais nominé. Bah, heureusement. Le jour où je le ferai, bah, je vais te nominer. Voilà. J'aurais très bonne idée. Très voilà. Non. Donc, passons maintenant au défi des capotes. Le défi des capotes. Le fameux. Celui-là, niveau stupidité 100 000 aussi. Je connais pas. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet. L'année 2013 a vu l'émergence d'une mode encore plus débile que toutes celles vues jusqu'à présent. En gros, il suffit d'avaler une capote par la bouche et de la faire sortir par le nez. Mais comment ça peut se faire? C'est très dangereux, c'est très dégoûtant. Bah oui. Surtout parce qu'il y a le, déjà il y a le lubrifiant sur la capote, tu vas pas la bouffer. Latex, ça fait hyper mal. Bah j'imagine, en même temps t'imagines mettre un truc dans la bouche et le faire sortir par le nez. Et en quoi c'est drôle ce truc? Mais c'est ça. C'est que moi, ça n'a aucun intérêt. Des capotes, en fait. Mais pas pour la bouche ni pour le nez quand même. C'est bien les capotes, mais faut voilà, pas utiliser oui, comme protégez-vous, ça. Protégez-vous, protégez-vous, c'est important. Voilà. C'est toujours important de se protéger. Non mais c'est vrai que on voit des défis complètement cons. Mais ça, c'est rien. C'est rien. C'est 5 défis qu'on a fait maintenant. C'est rien comparé à tous les centaines de défis qu'on voit toujours sur internet. Mais c'est vrai que. Ouais, une petite mise en bouche, quoi. Ouais. Mais maintenant, il y en a un qui est très dangereux. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça consiste. Moi, j'ai entendu parler du Tide Pod Challenge. Ouais, c'est celui-là. Ça consiste à bouffer les petits trucs de détergent. Ouais, de la lessive. Ouais, mais c'est. C'est génial. C'est horrible. En passion. Mais c'est ça. C'est pas drôle. Et en plus, c'est dangereux. Vous pouvez mourir, quoi. Et les gens qui encouragent cela, bah. C'est des. Allez en prison, allez en enfer. Bah après, faut se pas le dire, forcément faut... en prison, mais. En enfer. Petite claque. Après, faut se le dire, les gars. C'est bien, ça y est. Quand vous les voyez, franchement, ces petites trucs de détergent là. C'est surtout un que. Peu, quand même un petit peu en mais quoi. C'est vrai, c'est vrai. Un peu coloré, là. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a la couleur, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est ça. Non, mais soyons sérieux maintenant. Mais soyons sérieux, c'est très dangereux. Très dangereux. Il y a des centaines. On va dire milliers, on va dire. Ouais, des milliers, pas des millions. Des milliers de morts à cause des défis comme ça, des défis à la con. Parce que c'est vraiment très très dangereux. Évitez cela. Bah là, en fait, on va pas parler de morts. Peut-être que si, mais la mise à jour Snapchat, vous en pensez quoi? Alors... Comment ça, on va pas parler de morts? Moi, je te le dis, hein, Snapchat est mort à partir de ce moment-là. Ouais, c'est, c'est vrai c'est que depuis la mise à jour, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Ah, bah, et oui. Non, on a vu plusieurs. Gens qui se manifestent sur Facebook, sur Instagram et je sais pas si vous avez vu, mais une des sœurs Kardashian, elle a dit qu'elle utilisait plus Snapchat et ça a fait chuter les actions de Snapchat de 1,3 milliard en bourse. Non mais surtout que Snapchat il appartient à l'entreprise Facebook et du coup Facebook maintenant Facebook lui aussi il baisse de... Ouais, enfin bon, je te le dis clairement, je pense que il a pas à s'en faire non plus. Hein. Non, Facebook, je pense qu'il est plutôt... Ça va, ils sont à l'aise, ça va, mais... Ouais, c'est ça. Ça fait chuter les actions. Il y a un nouveau réseau social, je l'ai testé il y a quelques temps, ça s'appelle Vero. Vero. C'est un peu le concept de Facebook. Parler, ouais. Franchement, moi j'ai testé, j'ai pas kiffé, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Parce que c'est pas comme Facebook où vous avez envie de partager un texte, vous pouvez... Là, soit vous partagez une musique, soit une photo, ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à Facebook ou Twitter. Enfin, au final... Mais franchement, le seul réseau social que j'aime bien, c'est Tinder. Oh, Tinder, c'est la vie. Francisco, mais attends, t'as quel âge, Francisco? 42. Ah, je me disais bien, parce que bon... ouais. T'as des gueules, hein. Bon. Vous avez fini pour cette fois. Pour moi, ça sera tout. Bah, voilà, merci beaucoup. Merci maintenant, toi, on accueille Gwen, notre pas très astrologue, qui va nous faire l'horoscope aujourd'hui. Les poissons, vous serez plus sociables que coutume. Voilà qui vous ouvre à des nouveautés passionnantes et des contacts agréables. Vous êtes en accord profond avec vous-même. Votre équilibre émotionnel se stabilise. Les Verseaux, l'influence d'un proche sera bénéfique et chassera vos doutes. Ne vous isolez pas. Votre vitalité sera omniprésente, rien ne vous arrêtera, physiquement parlant. Vous y gagnerez à boire de façon plus régulière. Les Capricornes, votre nature de feu est en éveil. Vous attirez davantage des relations passionnantes mais éphémères, vous voici prévenus. Le tout sera de ne pas vous emballer, ni vous poser trop de questions. Vivez le moment pleinement. Les Sagittaires, vous aurez la capacité de comprendre un blocage en vous-même. N'hésitez pas à poser les questions qui vous taraudent déjà depuis un mois. Votre franchise vous portera chance et vous éclaircira. Les scorpions, vous serez brillants pour convaincre. Les initiatives pour resserrer vos liens sont favorisées. Votre impulsivité vous empêche de doser vos efforts et cela vous épuise. Un jour de congé arrivera à point nommé. Les balances, votre confiance en vos propres idées vous rend têtu dans la bonne direction. Voici qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne laissez supposer. Les vierges, vous serez particulièrement inflexibles envers vous-même. Ne transposez pas sur les autres. Qu'importe si vous sentez un coup de fatigue, votre morale fera la différence et compensera sans difficulté le sommeil en retard. Les lions, une discussion ancienne remonte en surface. C'est le moment de poser vos conditions clairement avec vos proches. C'est sur le plan nerveux que vous aurez besoin de repos. N'hésitez pas à plonger dans les plaisirs et les loisirs que vous préférez. Les cancers, c'est le moment de penser davantage à des menus détails intimes. Réfléchissez avant de vous lancer dans des projets d'envergure. Ne confondez pas votre optimisme avec une forme olympique. Les gémeaux, vous serez dynamiques et efficaces dans la poursuite de vos buts. Les abus de table vous alourdissent. Mesurez-vous, il faut éliminer, transpirer. Vous vous sentirez plus dynamique. Les taureaux, vous voici au centre de l'attention générale. Votre ouverture d'esprit porte ses fruits aujourd'hui. Vous continuerez sur votre lancée sans à-coup. Vous serez plus raisonnable. Tout va pour le mieux. Pour finir, les béliers, ne vous laissez pas envahir par des idées confuses qui fusent spontanément. Agissez selon vos priorités. Votre gourmandise ralentit votre système digestif. Évitez tout particulièrement les sucres rapides. Merci Gwen. Maintenant, on va s'écouter un tube qui n'est même pas encore diffusé sur les radios. Les grosses radios, parce que bon, on va pas se le cacher, une toute petite web radio. On va s'écouter Friends de Marshmello et Anne-Marie tout de suite sur RGC. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy, here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really we're just friends. So don't go look at me no. With that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you one, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? I made it very clear. I made it very clear. I made it very clear. I made it very clear. samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC On Air pour le LJC Show. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à faire dans le coin. Normalement, c'est Léa qui doit le faire, mais exceptionnellement, comme c'est la première, c'est moi qui le fais. Verino s'installe le 27 mars à 20h30 à Le Mas, au Mets-sur-Seine. Le tarif plein est de 14€ et ce spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans. Artus débarque aussi à l'Escale à Melun. Le tarif est de 34€ et ce spectacle aura lieu le 6 avril à 20h30. Pour les plus jeunes, le mercredi 18 avril à 14h30, la pièce « Le Chaboté » de la compagnie des Nomadesques sera jouée à l'espace Nino Ferrer à Damary-les-Lys. Le tarif plein est de 10€, mais s'il y a des groupes, le tarif est réduit à 7€. Les sportifs de l'équipe viennent de rentrer en studio pour nous parler sport. Salut Sofiane, salut Julien. Salut. Salut. C'est quoi ces pauses là que vous êtes en train de faire? Bah, on a dit on était des sportifs, non? Ouais. Bah oui, mais c'est dommage que les auditeurs ne puissent pas voir ça parce que c'était assez drôle. Bah faut investir dans une caméra. Ah bah bon. Pourquoi pas un jour plus tard. On sera pas de radio alors. Si. Rassure-toi, aujourd'hui la radio ça passe beaucoup par le visuel. D'accord. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est Jeux Olympiques et foot au programme. Et aussi tennis. Et aussi tennis. Ah bah voilà. Tout d'abord, les Jeux Olympiques qui ont eu lieu du 9 au 25 février en Corée du Sud à Pyeongchang avec 7 sports différents. Et oui, la France au tableau final des médailles finit seulement 9e avec un triste résultat, 15 médailles, seulement 5 or, 4 argent et 6 bronzes. Tandis que la Norvège finit avec 39 médailles, l'Allemagne 31 et le Canada 25. Et l'or le plus remarquable pour la France est sûrement Martin Fourcade dans le biathlon qui remporte donc la médaille d'or. Vraiment une belle victoire de sa part. Julien, il avait un truc à nous raconter que j'ai trouvé assez ouf. Oui, le plus vieux médaillé des Jeux Olympiques, 47 ans. Il est japonais et il participe aux JO depuis 1994. Tu m'as dit qu'il avait quel âge ? 47 ans. Mais tu te rends compte que moi en sport j'arrive même pas. Il a l'âge de mon père à courir. Là en sport j'arrive même pas à courir pour faire de la course en durée. Le mec a 42 ans, il a une médaille. Bah c'est ça les sportifs. Bah, hein. Ouais c'est ça. Bah c'est un truc que je ne suis pas du tout, chers auditeurs. Au cas où vous le savez pas, bah voilà. Mais on en a un sportif avec nous. Julien. Ouais, Olivier. Un grand athlète. C'est vrai. Il fait des gestes un peu cons de temps en temps, comme il est en train de le faire maintenant. Il s'est pris une balle, je crois, sauf qu'il est tout sauf noir. Ouais, c'est... Bon. Et maintenant, on va parler du football. Le PSG, une nouvelle fois éliminé en 8e de finale, et pour la deuxième fois consécutive par un club espagnol. Cette fois-ci, c'est le Real Madrid, qui l'avait remporté 3-1 à l'aller, et puis 2 en retour. Nous avons un supporter du PSG avec nous, qui est Julien. Que penses-tu de la défaite et de cette élimination? Bah, je pense que c'est une déception pour tout le peuple parisien. Penses-tu pas que le Paris Saint-Germain, on a fait trop cette fois-ci encore une fois. Trop de com, non? Si, encore. Si, encore une fois, d'accord. Et puis au football encore, nous pouvons relever le décès du capitaine de la Fiorentina, David Astori, à 31 ans, le 4 mars 2018. Triste nouvelle pour le monde du football. Et on peut noter que pendant la rencontre PSG-Real, une minute de silence a été honorée pour le capitaine de la Viola. Mais n'empêche, 31 ans, c'est hyper jeune. Bah ouais, hein, mais une crise cardiaque, hein, qu'est-ce que tu veux, tout le monde peut être touché par ça. Ouais, hein. C'est ça. C'est grave triste, mais bon. Mais ouais, 31 ans, bah t'as toute une vie devant toi, quoi. Bah ouais, surtout que quand t'es aussi riche que lui, je pense que c'est con, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, la richesse ne fait pas le tout, mais bon. Passons au tennis. Oui, le tennis, un fait notable. Pendant cette semaine, Roger Federer, 36 ans, redevient numéro 1 mondial au tennis. Depuis 2009, il n'avait pas touché... le poste de numéro 1 et il redevient numéro 1, le Suisse à 36 ans. Et les génies restent des génies, à son niveau il reste intouchable et pense que personne ne va le détrôner. C'est vrai. Et bien à la prochaine fois alors. Bah merci beaucoup, bah on se retrouve merci, vendredi Miguel. Prochain. Merci Miguel. Parce que oui, Sofiane et Julien ont une chronique hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ils vont nous parler de sport tous les vendredis. Donc l'actu sport durera entre 5 et 6 minutes tous les vendredis à 20h. Quant à nous, on va s'écouter maintenant Lampal Yodiz sur LGC On Air. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste, alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent. J'ai déjà menti, oui mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête. Aïe, Comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être un peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Hey, j'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts. J'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce con de Luffy, faut que je comble vite. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Aïe aïe aïe, elle est irremplaçable mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5h. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Lampal, Yodiz, sur LJC en air. Le premier samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC en air pour le LJC Show. Maintenant, on va se faire des questions à la con. Alors, qu'est-ce que les questions à la con, Julien? Dis-moi. Bah, c'est des questions à la con. Les questions faites par Julien. Ouais, bah, on peut dire ça aussi. Hein. Non, les questions à la con, c'est des questions où il faut répondre par vrai ou faux, ou sous forme de devinette. Bah, il y a 5 questions, bah, c'est parti. Celui qui a le plus de réponses, bah... il gagnera rien du tout, mais il ne perdra pas non plus. Donc, le premier programmateur de l'histoire était une femme, vrai ou faux? Vrai. Faux. C'est vrai, c'est une... Allez. C'est une dame qui s'appelle Ada Lovelace qui a publié le premier algorithme informatique. Là, on est d'accord, c'est entre moi et Julien que ça se joue. Oui. D'accord. C'est entre vous deux. 1-0 pour la poule, gars. C'est ça. Le 15 avril 2017, la dernière personne dont on sait qu'elle était née au 19e siècle est morte. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Non, Julien a raison. Le 15 avril 2017, l'italienne Emma Morano, la doyenne de l'humanité, est morte à 117 ans, vous vous rendez compte? Mais c'est un truc de dingue. 117 ans, c'est un truc de fou, elle a vécu les deux guerres mondiales quoi. Mais c'est ça. Elle est née en 1899 et elle était la dernière personne... Et je dis qu'elle était quoi comme nationalité? Italienne. Italienne, ah oui. C'était la dernière personne connue sur Terre qui est née au 19e siècle. Ah, d'accord. Troisième question. Donc, là c'est 1-1. Là, c'est une devinette. J'ai le record de participation en finale sans victoire. Qui suis-je? Réponse possible. Brésil, Uruguay, Pays-Bas ou Allemagne? Mais en quoi? Foot. Coupe du monde. Brésil. Pays-Bas. C'est une bonne réponse de Julien parce que les Pays-Bas ont participé à 3 finales. En 74, 78 et 2010. Et ils ont perdu les 3 fois. Donc voilà, ils détiennent ainsi le record de plus grand nombre de défaites. Ils ont donc le plus grand nombre de défaites. Bah, c'est 2-1. 2-1 pour Julien. Yes. Voilà. On passe à la quatrième et avant-dernière. D'accord, pas de problème. Les chevaux sont des ruminants comme les bovins, vrai ou faux? Faux. Qu'est-ce qu'un bovin déjà? Bah, c'est les bœufs, les vaches. Ah, d'accord, donc moi je dis vrai. Bah c'est faux, Julien. Bah là c'est neutre. Voilà, c'est la chance. Là t'as un peu perdu. Donc tous les chevaux sont non non non parce que la dernière question on l'a pas dit mais à vos 10 points. Et sont des herbivores monogastriques. Non mais la question est vraiment 10 points. Ok bah si tu veux bah on se fait la dernière à 10 points. Bien sûr, allez on y va. Les clafoutis est le bruit d'impact de petites vagues sur une embarcation. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bravo Julien, tu viens de gagner. Mais je dis faux aussi, j'ai dit faux. Oui, mais Julien l'a dit avant toi. Donc les clafoutis sont des gâteaux avec des fruits. Mais donc elle pas bravo cul, Julien, vous avez participé à la truc. Donc voilà, Julien a gagné avec 13 points contre Sofiane. Un point. Mais quoi? Un petit point. J'ai 11 points normalement. Oui, un petit point. Ouais, c'est ça. Le premier samedi du mois, Miguel et sa bande débarquent sur LJC On Air pour le LJC Show. Et pour bien finir cette émission, bah, on va accueillir Justine, la belle de l'équipe, et on va parler musique. Salut Justine. Salut. Ah, pourquoi ça te fait rire? Bah parce que je trouve ça très subjectif. Oh ouais, mais tu sais... Voilà, mais c'est vrai, hein. En tout cas, je pense que les garçons sont d'accord, même s'ils sont déjà partis. Hein. Absolument pas là. Bah, c'est ça. Bah, tu sais, bah, c'est la fin, ils sont déjà partis. Hein. Nous, on est encore là, on tient jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui, dis-moi de quoi on va parler. Eh bien, aujourd'hui, Miguel, on va parler d'un sujet qui fait un peu polémique, qui s'est passé il y a déjà 2-3 semaines, puisqu'on va parler du sujet de la candidate de The Voice, Menel, qui avait été auditionnée le 3 février quand elle chantait Alléluia en deux versions, à la fois en français et en arabe, et ça donnait ça. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, elle avait été choisie dans l'équipe de Mika et quelques jours après, je crois, elle s'est fait lyncher sur Twitter suite à des tweets qui ont été retrouvés sur son compte à la suite des attentats de Nice où elle exprimait sa colère. Ses propos ont été interprétés de manière complètement méchante et subjective, ce qui lui a valu après un lynchage public qui l'a forcée à quitter l'émission. Et ses propos ont également été jusqu'à être repris sur l'émission TPMP. Sur le plateau de TPMP, oui. Voilà. Où c'est parti loin. Exactement, puisque après que Agathe Oprou ait fait partie un peu du lynchage collectif, oui, elle a décidé de prendre retourner sa veste en quelque sorte et de la défendre. De la défendre. Que, ouais, sauf que ça s'est finalement pas très bien passé. Parce que à la fin, elle s'est embrouillée avec à peu près la moitié de l'équipe. Elle s'est fait un peu défoncer, clairement, par Isabelle Morini-Bosque. Benjamin Castaldi, qui lui aussi a quitté le plateau un des jours. Je sais même, c'était... Je crois que c'était la même émission, parce qu'il était absolument pas d'accord avec le fait qu'Agathe dise ouais, que... C'était pas elle qui avait lynché, que c'est c'était ça. Benjamin. Et après, ouais. Après, c'est Mathieu Delormeau qui est parti encore une fois trop loin, parce que oui, Mathieu Delormeau part souvent très loin, mais il se rend pas forcément compte. Oui. Et Agathe a quitté le plateau en pleurs, voilà. Donc, on peut rappeler aussi les propos assez islamophobes de Isabelle Morini-Bosque, qui expliquait que chanter en arabe par les temps qui courent, c'était pas très intelligent. Voilà. Parce que, on peut pas lui trouver d'excuses là-dessus, donc je pense que là où Agathe a eu raison de changer d'avis, les autres auraient mieux fait de se taire. Ouais. Et donc, on sait maintenant que Menel va lancer sa carrière en solo. En solo, oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Toujours. Hein. Donc, elle va aller en plein enregistrement d'un album et on lui souhaite la réussite qu'elle n'a pas eue avec The Voice, puisqu'elle le méritait. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, on peut passer à autant tourner la page et puis oublier le malheureux incident qu'elle a pu connaître. C'est ça. Donc, son album doit sortir dans moins d'un an ? Oui, je pense qu'elle devrait le sortir d'ici moins d'un an. Ouais. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est ça. Voir les réactions des gens, à la fois sur les réseaux sociaux et puis de manière générale en France. Et voir, parce qu'il faut savoir aussi que cette histoire est remontée jusque sur les réseaux sociaux étrangers. Et qu'aux États-Unis, bien que ce ne soit pas forcément les plus malins sur le sujet non plus, ils ont quand même... pris la défense de Menel tout de suite en la défendant sans aucune hésitation et comme on aurait dû le faire en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, en France mais sûrement partout ailleurs, il y a eu d'autres cas comme ça dans d'autres pays. C'est extrêmement dangereux et il faudrait vraiment faire attention. Aujourd'hui, la méchanceté passe beaucoup par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens se lâchent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, puisqu'il y a la question de l'anonymat, tu peux toujours faire ce que tu veux, tu peux être caché derrière ton écran. Un écran et puis un pseudo, une photo et voilà, c'est fini. Tu dis ce que tu veux et personne ne le saura jamais. Donc voilà, chers auditeurs de LJC en Air, faites très gaffe aux réseaux sociaux. Et puis là, merci beaucoup. Par contre, vous pouvez toujours nous suivre sur les nôtres. C'est ça, sur les nôtres. C'est gratuit, c'est absolument pas dangereux. Voilà, c'est ça. LJC en Air sur Twitter, Facebook et bientôt Instagram. On verra. D'ailleurs, si vous voulez, je vais lancer un sondage sur nos réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on se crée un Instagram, vous votez oui. Là, tout de suite, il est temps de se dire au revoir, clairement. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir fait un boulot de malade pour qu'on puisse faire cette première émission, mais malheureusement, c'est déjà fini. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission. Et puis, on va s'écouter. Je te laisse choisir la musique, Justine, vas-y. Allons-y. On va mettre Forever de Mozy Ben. Ah merci, je kiffe trop ce titre, clairement. Parfait. Bonne soirée à tous, on se retrouve bientôt avec peut-être un nouveau concept d'émission qui s'appellera les questions à l'administration, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer toutes les questions sur ljcenr@gmail.com et un membre de l'administration y répondra. On aura aussi bientôt une interview exclusive de Monsieur Bouddha. Donc restez là et puis à bientôt Justine. À bientôt Miguel. Say hello, are you fine? Does everybody want your love? Now it's mine. Hello, I need all your love tonight. And I just hope it's forever, ever. In all my dreams we're together, together. Oh, I'll make your life better, better. And I just hope it's forever, ever. I just can't describe.